إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإن كثيرا من الناس في غفلة من أشد عدوهم Ô serviteurs d'Allah, beaucoup de personnes sont insouciants, sont dans une insouciance concernant leur plus grand ennemi. La yatahassanuna minhu wa la yamna'unahu min dukhuli buyutihim. Ils ne se préservent pas de lui, de cet ennemi, et ne l'empêchent pas de rentrer dans leur demeure. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cet ennemi et nous dit: Inna shaytana lakum aduwun, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Certes, le shaytan, le diable est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme tel, prenez-le comme ennemi. Certes, il ne fait qu'appeler son parti à faire partie des... Il ne fait qu'appeler son parti à aller dans... La fournaise. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il ne fait qu'appeler son parti à être parmi les gens de la fournaise, les gens du feu. Inna hadha al'adu alladhi la narahu yastakhdimu wasa'il shatta li'idlal an-nas wa ibadihim an ma yanfa'uhum fi ad-dunya wal akhirah fi dinihim wa dunyahum. Et cet ennemi que nous ne voyons pas utilise plusieurs méthodes pour égarer les gens et pour les éloigner de ce qui leur est profitable ici-bas et dans l'au-delà, dans leur religion et dans leurs affaires mondaines. وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ هَذِهِ الْوَسَائِلِ فِي خُطْبَةٍ قَدْ مَضَتْ. Et certes, nous avons cité plusieurs de ces moyens utilisés par le diable dans un sermon précédent. وَلَكِنَّنَا الْيَوْمِ نُرَكِّزُ عَلَى مَسْأَلَةٍ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثِيرٌ. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet dont beaucoup de personnes sont insouciants. Beaucoup de personnes sont insouciants concernant ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre: Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure des façons. Inna shaytana yanzaru baynahum. Certes, Ash-Shaytan, le diable, sème la discorde parmi eux. Inna Shaytana kana lil insani aduwan mubina. Certes, le Shaytan est pour l'être humain un ennemi déclaré. Et donc, ce Shaytan sème la discorde entre les croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne Lorsque nous parlons à nos frères, à faire attention aux mots que nous utilisons afin que Shaitan ne prenne pas cette petite parole comme cause pour semer la discorde entre les musulmans. Ilaykoum, ayyuha al-ikhwa, kalaman mufidan lil-allamati sa'diyyi rahimahullahu ta'ala liyata'ammalahu kullu muta'ammil. Et je vais vous citer une parole du très savant Sa'di rahimahullah, afin que puissent méditer tous ceux qui méditent. Il nous dit Sa'di rahimahullah, wa qawluhu inna shaytana yanzagu baynahum. Et la parole d'Allah, lorsqu'il nous dit certes le diable sème la discorde entre eux, ay yas'a bayna al-ibadi bima yufsidu alayhim dinahum wa dunyahum. C'est-à-dire que le diable s'efforce d'agir entre les serviteurs et de faire ce qui va corrompre leur religion et leur vie mondaine. Fadawa'u hadha an la yuti'uhu fil aqwali ghayr al hasanati allati yad'uhum ilayha. Et donc l'antidote de cela, comment te préserver du shaitan lorsqu'il t'appelle à la discorde entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs, comment faire? Il nous dit, le Cheikh Sa'di, l'antidote de cela est que tu ne l'obéisses pas. Et que vous ne l'obéissiez pas, vous n'obéissez pas au diable dans les mauvaises paroles qu'il vous appelle à prononcer. Dans ce à quoi vous, il vous appelle, ne l'obéissez pas. Wa an yulinu baynahum. Wa an yulinu fima baynahum. لِيَنْقَمِعَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ عَدُوُّهُمُ الْحَقِيقِي. Et donc, il nous dit aussi, le Cheikh Sa'di, et aussi le fait qu'ils adoptent la douceur entre eux. Le fait qu'ils adoptent la douceur entre eux afin que le Shaitan soit maté. Il soit terrassé. Lorsque tu utilises la douceur, quelqu'un qui se comporte mal envers toi et que tu réponds avec la douceur, tu as maté Shaitan. Tu l'as terrassé. Tu l'as vaincu. Et donc ce Shaitan, ce diable qui sème la discorde entre eux, c'est lui le réel ennemi. Ne pense pas que ton frère, c'est lui ton ennemi. Ne pense pas que ta sœur, c'est elle ton ennemi. Mais ton ennemi, ton réel ennemi, c'est le diable. Alladhi yanbaghi lahu an yuharibuhu. فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est lui leur réel ennemi, leur véritable ennemi, celui qu'ils doivent combattre. Car c'est lui qui les appelle à faire partie des gens de la fournaise. Il continue le très savant Sa'di rahimahullah. Et il nous dit, وَأَمَّا إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ فِي مَبَيْنَهُمْ وَسَعَى فِي الْعَدَاوَةِ فَإِنَّ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السعي في ضد عدوهم وأن يكمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم. Il dit, en ce qui concerne leurs frères, même si le diable a semé la discorde entre eux, alors en réalité toute la fermeté doit être dans le fait de faire le contraire de la voix du diable. Toute la fermeté, nous devons être fermes dans cela, le fait de faire le contraire de ce que fait le diable et de ce à quoi appelle le diable, même s'il a semé la discorde et l'animosité entre les frères, afin que ses frères et ses sœurs puissent se réconcilier. Il nous dit, rahimahullahu ta'ala, et aussi ils doivent mater leurs âmes. Mais oui, ces âmes que nous avons en nous, cette âme qui est touchée, ton frère, il t'a donné une parole, il t'a piqué. Il a piqué là où il ne faut pas piquer. Il faut que tu mates ton être, afin que tu aies le contrôle et que tu ne laisses pas le diable jouer avec toi. Et c'est pour cela qu'il nous dit Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et ils doivent mater leurs âmes, qui les appellent au mal, ces âmes par lesquelles rentre le diable. Et c'est ainsi s'ils font cela. Et c'est ainsi qu'ils auront obéi à leur Seigneur. Et c'est ainsi que leurs affaires seront correctes et c'est ainsi qu'ils seront bien guidés. Fin de citation. Il continue, ou du moins, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sa parole, « Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah, innahu huwa as-sami'ul 'alim. » Lorsque Shaitan vient à toi pour t'insuffler le mal, alors implore la protection d'Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. Anta la tara aduwak. Fakayfa tuharibuh. Tu ne vois pas ton ennemi, comment est-ce que tu peux le combattre? Fasta'iz billah. Alors implore la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'audient, l'omniscient. Celui qui voit tout, qui connaît tout, celui qui entend tout, qui connaît tout. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, ô chers frères, ne délaissons pas cette sunna, cette obligation. Et ensuite, il continue, Allah tabaraka wa ta'ala, après ce verset, juste après ce verset, il nous cite les caractères des pieux. Il nous dit, Inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifum minash-shaytani tadhakkaru, fa idha hum mubsirun. Certes, ceux qui adoptent la piété, lorsqu'ils sont touchés par le diable. C'est-à-dire, lorsque le diable vient les appeler au mal, ils se rappellent de la grandeur de leur Seigneur, ils se rappellent du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa idha hum mubsirun, c'est alors qu'ils sont clairvoyants. فيستغفرون الله تبارك وتعالى ils implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. El insan da'if, l'être humain est faible. La Bouddha an yamassahu ta'ifun min ash-shaytan, il est impératif que il soit touché par des insufflations du diable, car l'être humain est faible. Il ne va pas tout le temps faire leur appel. Il y a des moments où il va oublier de faire leur appel et le shaytan va venir à lui et l'insuffler le mal. Mais celui qui est pieux, lorsqu'il est tombé dans le mal, il ne reste pas dans le mal. Il se rappelle de la grandeur de son Seigneur. Il se rappelle de l'enfer et qu'il ne veut pas les brûler dans le feu. Alors il implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il y a un conflit entre lui et son frère, alors il s'efforce d'aller à la réconciliation entre lui et son frère. « Akulu kawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwa al-ghafuru rahim » الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله لا تتركوا الشيطان يغزوكم بل حاربوه بسلاح الإيمان والمحبة والأخوة الإسلامية أو serviteur d'Allah. Ne laissez pas Shaitan vous attaquer, mais combattez-le par les armes de la foi, de l'amour et de la fraternité islamique. Ta'ammalou fi qissati nabiyillahi Yusuf. Méditez quant à l'histoire du prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Lamma akhbara abahu bi ru'yahu, lorsqu'il a informé son père de son rêve qu'il a fait. Qu'a dit son père? Allah tabaraka wa ta'ala nous cite la parole de son père. Qala ya bunay la taksus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Oh mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sans quoi ils vont ruser contre toi. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Certes, le diable est un ennemi déclaré pour l'être humain. Fais attention, oh mon fils. ولكن الشيطان نزغ بينهم وهم إخوة. Cependant, le diable a semé la discorde entre eux, alors que ce sont des frères. فألقوه في البئر. Alors ils l'ont jeté dans le puits. فمن أجل ذلك صار عبدا. Et à cause de cela, il est devenu esclave. فبيع بثمن بخس دراهم معدودة. Et ensuite, il a été vendu à un vil prix. Un esclave qui n'a pas de valeur. Quelques dirhams. quelques dirhams. ثم ابتلي فأدخل السجن. Et ensuite il a été éprouvé et est rentré en prison. Il est rentré, il est resté en prison plusieurs années. كل هذا ترتب من ظلم إخوته له. Tout cela fut la conséquence de l'injustice de ses frères envers lui. La conséquence de l'injustice de ses frères envers lui. فكيف كانت العاقبة. Alors comment s'est terminée cette histoire entre Youssouf et ses frères? لما مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض. Lorsque Allah تبارك وتعالى lui a donné à Youssouf le pouvoir, l'autorité sur terre. Et qu'il avait la possibilité de se venger sur ses frères. Ou au pire, ne pas leur adresser la parole. Au pire, le moindre, ne pas leur adresser la parole. Comme le font beaucoup. Je ne lui parle plus. Pourquoi? Parce qu'il m'a mal regardé, il m'a mal parlé, il m'a manqué de respect. Je ne lui parle plus. Youssouf aurait pu faire cela. Il aurait même pu faire pire. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam? قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Ils dirent, oh Allah, ils dirent, par Allah, certes Allah t'a favorisé à nous. Il t'a accordé plus qu'à nous, même si nous avons été injustes envers toi. Malgré tout ce que nous avons fait, regarde ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Nous avons été injustes, nous avons été pécheurs. Quelle fut la réponse de Youssouf alayhi salam? قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ. Il a dit, aucun blâme ne vous est fait aujourd'hui. يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'Allah vous pardonne. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. اليوم الناس يتركون الشيطان يدخل بينهم لأسباب تافهة. Aujourd'hui, les gens laissent le diable rentrer entre eux pour des raisons qui sont viles, pour des raisons qui n'ont aucune valeur. Ici, Iblis, ici, Youssouf alayhi salam. Ici, Youssouf a combattu Iblis. Alors que ses frères l'ont jeté dans un puits. On fait croire qu'il avait été tué. Il est devenu esclave. Il est rentré en prison. C'est pas, ils lui ont mal parlé, ils lui ont mal regardé ou je... Non. Il a maté le diable. La tasrib alaykoum al-yawm. Aucun mal, aucun blâme ne vous est fait aujourd'hui. Il a pardonné à ses frères. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Où sommes-nous, ô chers frères et sœurs? Où sommes-nous de ces mœurs prophétiques? Belil Bard. قد ينفرون من المساجد من أجل نزاع وقع بين فلان وعلان. Mais aujourd'hui, on peut encore trouver des gens qui s'éloignent des mosquées à cause d'un conflit qu'il y a eu entre un tel et un tel. وما أكثر هؤلاء في جزيرتنا هذه مع قلة المسلمين. Et comme sont nombreux ceux qui sont tombés dans ce piège sur cette île, malgré le petit nombre des musulmans. Tout cela parce qu'on n'a pas compris que Shaitan joue avec nous. فَعَلَيْنَا أَنْ نَرْجِعَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنْ يَتَعَلَّمَ كُلٌّ مِنَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَامِحَ إِخْوَانَهُ. Et donc chacun d'entre nous doit comprendre que nous devons revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, apprendre à pardonner à nos frères, apprendre à faire preuve de bon comportement envers nos frères, faire attention à ce que nous disons, ne pas être la cause d'un conflit. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs, de raffermir nos pas, d'unifier les musulmans. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وأقيموا الصلاة